choc au Chili. On saisit la cour, 6 mois de soucis. Et donc où est la liberté d'expression dans ce pays soi-disant libre? On ne laisse pas n'importe qui s'exprimer. Il faut s'appeler Jean-Marie et faire partie du parti des portes. À quoi sont tes paroles si elles n'ont aucun rôle? À quoi sert ta chanson si elle ne crie pas ça? De maturité, à chaque minute désormais m'est comptée. Voilà pourquoi ma chanson.